En signe de soutien à l'orientation de la réunification de la patrie présentée au 7e congrès du Parti du Travail de Corée, les présidents de direction de la Chongnyon pour les préfectures de Hyogo, de Miyagi, d'Hiroshima, d'Amakuchi, d'Ehime et de Fukuoka ont présenté le 18 les entretiens.